Chapitre 13e, l'inconnu. Il était encore abîmé dans ses réflexions lorsqu'une espèce d'apparition le réveilla en sursaut. Un masque qu'il n'avait pas remarqué dans le bal se trouva debout devant lui. C'était une femme revêtue d'un riche costume indien, et si bien enveloppée, voilée et gantée, qu'on devinait seulement une taille charmante. Elle appela notre forban du bout de l'éventail, lui prit le bras et l'entraîna dans les groupes. Il commençait à s'éclaircir depuis le départ de Madame de la Bourdonnais. « Monsieur, dit l'inconnu ou l'indienne, j'ai à vous parler sérieusement. » La raison, au bal masqué, voilà qui est original. Je vous écoute d'autant mieux, madame. D'abord, je vous connais. Vous n'êtes pas Luc, mais René Duguay. Qui vous en assure, s'il vous plaît? Cette blessure à votre main et cette chaîne d'or à votre cou. René croyait l'une et l'autre si bien cachées qu'il tressaillit de surprise. Vous avez des yeux de lynx, dit-il en rabattant sa manche et en croisant son pourpoint jusqu'au menton. Il est trop tard, reprit l'inconnu avec un rire malin. D'ailleurs, il n'y a rien là qui ne vous fasse honneur. Cette blessure vous a été faite par monsieur de la Briantais, sous le vieux rempart au coucher du soleil, et cette chaîne est le prix de la course en bateau que vous a décernée la comtesse de la Bourdonnais. Mais tout cela ne vous dit point que je sois René. Est-ce que vous pensez m'en faire accroire, comme à votre digne père? Et le rire de l'Indienne éclata comme un bruit argentin dans l'oreille du jeune homme. Décidément, vous savez tout, madame. Rendez les chances égales en me dévoilant votre nom ou votre visage. Ce serait détruire tous les faits de ce que j'ai à vous dire. Je vous ai donc vu quelquefois. Vous avez vu ma figure. Je veux ce soir vous montrer mon âme, comme j'ai deviné la vôtre. L'accent profond de ces paroles fit battre le cœur de René. Après le trouble où venait de le plonger Madame de la Bourdonnais, il n'aurait jamais cru retrouver une impression semblable. La voix qui lui parlait réveillait en lui de mystérieux souvenirs, mais il s'épuisa en vains efforts pour la reconnaître. « René, je vous aime, » reprit la même voix plus douce et plus pénétrante encore. Et cette fois, notre héros sentit le vertige lui monter à la tête. Tant d'émotions en un jour étaient au-dessus de ses forces. Tout ce qu'il avait éprouvé chez Marie-Ange et près de la comtesse s'unissait pour l'accabler d'un seul coup. Leurs images tourbillonnaient devant lui avec celles de l'Indienne. Il se fit dans son âme comme un chaos de regrets et d'espérance, de joie et de remords, si bien que, fermant les yeux sur l'avenir et le passé, il s'abandonna en aveugle au charme du présent. « Oui, je vous aime, » poursuivit l'inconnu, « et je n'aimerai jamais que vous. Je ne puis vous le dire que sous le masque, tant est profond l'abîme qui nous sépare, mais je veux du moins vous prouver mon dévouement en vous ouvrant le chemin de la gloire et du bonheur. » Ces mots étaient d'un effet immanquable sur Duguay. Il dressa l'oreille comme le jeune cheval qui entend le clairon du combat. « Je sais tout ce que vous avez souffert dans votre vocation. Mais ce trouin se trompe. Ce n'est pas moi qui l'approuverai. Votre place est sur le banc de car et non sur le banc de l'école. Ah, qui que vous soyez, mille fois merci !» s'écria Duguay, en pressant d'une main la garde de son sabre et de l'autre le bras charmant de l'inconnu. « Mais, avouez-le, continua celle-ci, vos torts ont dépassé ceux de votre père. Vous ne suiviez pas en droite ligne le sentier de l'honneur et vous avez choisi d'étranges compagnons de route. « Que voulez-vous dire, madame ?» demanda René, piqué au vif. « Je veux dire que vous êtes fait pour les salons, et non pour les tavernes, pour les champs de bataille, et non pour les tripots et les salles d'armes. » Et sans laisser au jeune homme le temps de répondre, elle lui raconta jour par jour toute sa vie depuis 2 mois. « Quand votre père vous renvoyait en poste à Caen, sous la surveillance de 2 estafiers, je ne vous blâme pas d'avoir suborné ces pauvres diables et d'avoir tourné bride à la porte de l'école, pour avoir allumé votre pipe avec la lettre de M. Trouin pour le recteur. Vous seriez alors couru vous embarquer sur le premier navire de la côte. Je ne vous en ferai pas encore de reproches. Vous voyez que je suis indulgente. Mais voilà, ce qui est impardonnable, vous êtes allé dépenser votre courage, votre esprit et votre argent de foire en foire. Vous avez hanté des aventuriers de toutes sortes, heureux de vivre à vos dépens et de s'abriter sous votre crédit. En leur compagnie, vous avez suivi des intrigues de bas étage, fustigé le guet, bouleversé les auberges, ferraillé de carrefour en carrefour, répandu votre noble sang sur les bornes. En cette ville même, vous vous êtes battu à la muraille avec un canonnier, et vous vous êtes coupé la gorge avec un maître d'armes. Vous êtes allé à Rouen avec un bretteur poursuivi par la justice. Vous avez tous deux forcé la maison d'un magistrat, vous en avez enlevé une femme sans nom, et vous voulez disputer l'épée à la main. Après quelques jours de prison, vous êtes allé à Paris continuer les mêmes désordres. Enfin, vous êtes revenu à Saint-Malo, criblé de dettes et harcelé par les exempts contre lesquels on vous a vu lutter par terre et par eau à travers les folies du carnaval. Je vous le demande, René, cette vie est-elle digne de vous? Ces triomphes suffisent-ils à votre ambition? Est-ce ainsi que vous préludez à la gloire? La conscience de notre héros n'eut pas parlé avec plus de fermeté et de justesse. Il resta muet de confusion et de repentir, heureux d'avoir un masque pour cacher sa rougeur et ses larmes. « Vous avez raison, madame, balbutia-t-il, je ne mérite pas de vous donner la main. » Et quittant le bras de l'Indienne, il voulut s'enfuir. « Restez, » dit-elle en le retenant avec tendresse. « Si je vous avouais que je vous aime, c'est que je suis encore sûr de vous. Votre cœur est demeuré intact au milieu de vos égarements. Je vous reconnais à cette larme brûlante qui vient de tomber de vos yeux sur ma main, à l'héroïque entreprise où vous a lancé le dévouement fraternel. Je suis pour vous dans cette entreprise, bien que la piété filiale en souffre un peu, et je viens vous proposer un traité d'alliance contre votre père. Vous êtes un ange de miséricorde et de bonté, s'écria Duguay avec reconnaissance. Je veux être un ange de rédemption. Je veux faire de vous un héros, un grand homme. René releva la tête par un admirable mouvement. Voici mes conditions. Plus de duels inutiles, ni de plaisirs honteux. Adieu le cabaret, le tripot et l'académie. Il me faut du travail, des œuvres et des combats. Continuez votre projet d'hier, prenez demain la place de Luc sur la Gabrielle. Désarmez votre père à force de courage et de talent. Et s'il s'obstine à vous fermer la carrière, c'est moi qui vous l'ouvrirai. À partir d'aujourd'hui, je veille sur vous et je vous suis des yeux. Vous ne me verrez point, mais vous sentirez mon influence. Elle sera toute puissante pour votre bonheur, si vous la méritez toujours. » René était ivre d'orgueil et de joie. Il se sentait grandir d'une coudée. Il voyait comme Renaud tous ses rêves réalisés par une armide. Un mot fatal, troublait cet enchantement. « Ne pas vous voir, madame, mais c'est me retirer ensemble l'encouragement et la récompense. Pour vous voir un seul moment, je ferai mille fois ce que vous me demandez. » « Eh bien, » reprit l'Indienne après un silence, « vous me verrez un jour. » Elle remit à René un médaillon d'or ciselé fermé soigneusement. « Portez ce médaillon comme un talisman sacré. Appuyez sur votre cœur, il en comptera les battements. Il vous préservera des coups mortels et vous dira quand vous ferez bien ou mal. Enfin, vous me connaîtrez en l'ouvrant. Et quand l'ouvrirai-je? Quand vous serez capitaine des vaisseaux de Sa Majesté. Pas avant, jurez-le-moi. Je vous le jure, madame, et je n'attendrai pas longtemps. » L'Italienne pressa la main de René avec tant d'énergie qu'il lui sembla recevoir d'elle une force surhumaine. Puis elle disparut en lui défendant de la suivre, et lui-même courut prendre l'air sur le rempart pour empêcher son cerveau d'éclater comme un volcan.